L'artillerie, c'est quand même, il faut être quand même très calé en mathématiques. Pour les tirs, c'est très très important. Donc déjà, la sélection se faisait naturellement. Les autres, c'était plus compliqué. C'était manutentionnaire, si vous voulez, le soldat de base. Et c'est la cible, hein, tout simplement. Le tireur ferme la culasse et fait feu. C'est beau. Diarrhée infernale.